Je suis Jean-Paul Reb, j'ai 75 ans. Je suis né dans le Puy-de-Dôme, un petit village. J'ai malheureusement pas eu trop de chance parce que ma maman est décédée en me mettant au monde et mon père quand j'avais l'âge de 10 ans. À la suite de quoi, étant orphelin, ayant 8 autres frères et sœurs, c'est ma sœur aînée, Suzanne, qui m'a pris en charge. S'est occupé de moi. Et mon beau-frère, son mari, étant professeur à Tulle, voilà donc les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé à Tulle. Maintenant, chronologiquement, on va tout de suite passer aux événements de Tulle proprement dit. C'est-à-dire, le débarquement en France a lieu le 6 juin en Normandie. Les Allemands hésitent. Hitler, lui, il dort, c'est en pleine nuit. En se couchant, il a demandé de ne pas le réveiller. Donc, aucune armée allemande n'ose bouger parce qu'il avait donné des ordres pour ne pas bouger. Il n'y a que lui qui pouvait bouger les divisions en cas de nécessité. À partir de ce moment-là, aucune division n'a bougé, en dehors de ceux qui étaient sur le mur de l'Atlantique, qui ont accueilli les Alliés et le débarquement. Mais il faut bien dire que dès le départ, les Allemands n'ont pas cru que c'était le véritable débarquement. Ils pensaient qu'il allait avoir lieu plus sur les plages de l'Atlantique, du côté des Landes. Donc ils ont mis un certain temps, il y a eu une inertie. Donc les divisions qui étaient les divisions d'Astrech, Blücher et Führer, qui étaient massées sur les plages des Landes, se sont mis en route au bout de 24 heures, quand ils ont compris que le véritable débarquement était bien en Normandie. Ils se sont mis en route et pour aller repousser le débarquement. À divers endroits, les ponts étaient coupés. Par contre, les ponts en Corrèze, tant à Brive qu'à Tulle, n'avaient pas sauté. Les maquisards, pour leurs besoins personnels de circulation, n'avaient pas fait sauter les ponts. Donc les divisions, c'est donc trouver de remonter et d'arriver par la route de Brive et Tulle. Alors maintenant, revenons aux événements du 7 juin. 6 juin, débarquement, hésitation des Allemands, mise en route des divisions, et nous voici de nouveau à Tulle, où j'habite dans un petit appartement. Il y a présent à Tulle, évidemment, des forces d'occupation allemandes qui sont là en permanence à Tulle. Alors, elles sont regroupées dans différents points de la ville. Elles sont regroupées en particulier dans une école normale de jeunes filles. La ville est toute en longueur. Elle s'étire le long de la Corrèze. Elle est coupée par plusieurs ponts, hein, mais nous habitons, nous, près d'un pont qui s'appelle le pont de la Barrière, un petit appartement modeste, et moi je couche dans la cuisine. La cuisine est une toute petite cuisine, et j'ai un lit qui est contre une porte. Ça a de l'importance pour la suite de l'histoire. Mon lit est contre une porte qui est condamnée, où il y a un voisin juste à côté. La porte est une porte vitrée qui est simplement masquée par du papier journal, scotché. Et t'as quel âge à Et alors à ce moment-là, j'ai 14 ans. Nous sommes en 1944. Là, moi je suis couché et nous sommes donc au mois de juin. Il fait jour très très très tôt. C'est donc les jours les plus longs pratiquement de l'année. Il fait jour très tôt. Sur le coup de 4 heures du matin, j'entends du bruit dans une petite rue qui monte. Notre appartement est situé sur l'avenue Victor Hugo et une petite rue très en pente dans laquelle les voitures ne peuvent pas monter et qui dessert simplement un carmel de femmes qui est en bout de cette petite rue en pente. Si bien que cette petite rue en pente, l'immeuble étant en angle entre cette avenue Victor Hugo et elle monte très très raide, si bien que en bout de l'immeuble, au quatrième étage, on est encore de plein pied sur cette petite rue en pente. Ça a de l'importance pour la suite. On va le voir tout à l'heure. Cette cuisine a une fenêtre au-dessus de l'évier, mais qui est au ras de la rue. Elle est protégée par des barreaux, et là, il y a juste quelqu'un qui d'un seul coup tape à la fenêtre. Enfin, qui heurte la fenêtre. Alors je me lève en vitesse, je regarde ce qui se passe, et c'est un maquisard qui est là avec un fusil mitrailleur et qui s'est accroché après les barreaux et qui se tient avec son fusil mitrailleur. Et il me dit gare-toi petit, ça va chier. Bon, mais là, je savais plus trop quoi faire. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui gueule feu et ça se met à tirer de tous les côtés. Alors il tirait en fait sur une caserne qui était là, à deux pas de chez nous, qui était au bord de la Corrèze et qui était occupée par ce qu'on appelait des GMR, des gardes mobiles républicains. C'était donc des Français. Les forces donc d'occupation, c'était ces GMR, qui étaient donc des troupes du maréchal Pétain. Il y avait des Allemands qui étaient dans l'école normale de jeunes filles, d'autres qui occupaient un hôtel qu'on appelait l'hôtel moderne. Et il y en avait d'autres qui étaient dans un autre hôtel, à l'autre bout de la ville, qui s'appelait l'hôtel de la Trémolière. Les Allemands étaient donc regroupés dans ces trois endroits. Là, aussitôt, ils se sont mis à attaquer tous les points où étaient les Allemands. Ça s'est mis à péter dans tous les coins, ça tirait dans tous les coins, donc dans la ville. À partir de là, moi, je m'étais mis debout sur la cuisinière. La cuisinière était sous une espèce de grande hotte de cheminée. J'étais debout là-dessus pour éviter. J'entendais les impacts de balles dans le mur derrière. Et je tremblais, je claquais des dents, je faisais plus de bruit que tout le vacarme qu'il y avait autour, à moi tout seul. Mon beau-frère, qui avait peur pour moi, qui d'un seul coup avait couché dans une pièce à côté, d'un seul coup, il entr'ouvre la porte pour venir voir ce qui se passait. Mon vieux, paf, il y a une balle qui est rentrée à ce moment-là. D'un seul coup, il a refermé la porte. Et puis, il a vu que j'étais en sécurité sur la cuisinière. Ça s'est passé comme ça. Ça a tiré, ça a tiré. Bon, puis d'un seul coup, pouf, cessez le feu. Alors, ça s'est arrêté, tout simplement parce que les GMR, les gardes mobiles républicains, se sont rendus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Je ne sais pas. Ils se sont rendus et là, ils ont disparu de la circulation. Est-ce qu'ils sont passés au maquis? Je ne sais pas trop. Je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Tout s'était calmé. Moi, je suis sorti et je suis allé en ville pour aller voir un petit peu et aller à mon école. À cette époque-là, j'étais dans une école libre qui s'appelait l'école Notre-Dame, qui était près de la mairie de Tulle, juste en face. Je suis donc sorti pour aller, jeune à 14 ans, on veut voir tout ce qui s'est passé, on veut aller partout. Je suis parti et je suis passé par une petite rue qui montait et là j'ai découvert des cadavres de maquisards qui avaient été tués, quoi. Alors il y en avait un qui, des gens avaient jeté une couverture dessus, j'ai soulevé la couverture, il avait la moitié de la figure qui avait été emportée par une rafale, c'était affreux, quoi. Après, un peu plus loin, j'en ai vu d'autres, pareil, mais bon, j'ai pas regardé. Alors après, je suis arrivé à mon école pour voir ce qui se passait. Et puis, je ne suis pas resté longtemps, je suis revenu et je suis rentré à la maison. À partir de là, les Allemands, il y en avait encore qui avaient été attaqués, mais qui avaient bien résisté et qui étaient dans la manufacture d'armes de Tulle et ce fameux hôtel La Trémolière, qui était donc en aval le long de la Corrèze, c'est-à-dire en allant vers la route de Brive. Le 7 juin au matin. Oui, au matin. La matinée se passe sans grand événement, et l'après-midi, je traverse la rue et je vais chez un camarade qui habitait un petit peu en face, qui s'appelait Tosani, et on va pour bavarder, discuter avec lui. Sa maison donnait donc sur l'avenue Victor Hugo, la même que nous, mais de l'autre côté, elle donnait sur des jardins, et ces jardins se terminaient par la Corrèze. Et de l'autre côté de la Corrèze, encore une rue. On était là, on regardait par la fenêtre un petit peu ce qui s'était passé, et d'un seul coup, on voit arriver des Allemands qui débouchent, une patrouille allemande qui débouche de derrière des maisons, et d'un seul coup, le copain met la main sur l'épaule, on se planque. Un Allemand, nous voyant à la fenêtre, nous tire dessus. On se couche aussitôt, la balle rentre par la fenêtre, tape dans le plafond, on prend le plâtre sur la figure, et on l'a échappé belle, là. Et puis, les Allemands continuent. Alors, nous, on n'osait plus bouger, on était à plat ventre, on n'osait plus bouger. Et puis, les Allemands font le tour par le pont de la barrière, et les voilà qui reviennent. Mais ils reviennent dans l'avenue Victor Hugo, mais en se cachant de porte en porte, c'est-à-dire ils couraient de porte en porte et se rentraient et se planquaient, ayant peur d'être attaqués par des maquisards. D'un seul coup, on entend taper à la porte en bas. En fait, c'était les Allemands qui couraient de porte en porte et se cachaient dans les encoignures de porte. En fait, on a cru qu'ils venaient et qu'ils tapaient chez nous, mais en fait, aussitôt un autre Allemand partait, était remplacé par un autre, et ils allaient de porte en porte comme ça pour se planquer. À la suite de ça, cette patrouille étant passée, cette alerte étant passée, je retourne à la maison. Maintenant, nous arrivons au 8 juin, au matin. Alors, le 8 juin, les maquisards ont encerclé les Allemands qui se trouvaient dans l'école normale de jeunes filles. Là, ils avaient transformé un petit peu en blockhaus. À toutes les fenêtres, ils avaient mis des matelas. Ils les avaient coupés en deux et ils passaient leurs fusils leurs mitraillettes au travers des matelas. Et ils avaient fait là un point de résistance de cette école normale de jeunes filles. Ils en avaient fait un véritable fortin. Les maquisards les ont assiégés. Ils les ont assiégés. Ils étaient dans toutes les rues tout autour. Ça tirait dans tous les coins. Moi, j'y étais pas. On entendait la fusillade au loin, c'est tout. Et puis, ce que je n'y étais pas, mais je peux raconter un peu comment ça s'est passé, en ce sens qu'on l'a su après, et que moi j'y suis allé aussitôt, une fois que ces Allemands-là se sont rendus. Un maquisard s'est précipité contre l'école normale de jeunes filles pour qu'il puisse plus l'atteindre, puisqu'il pouvait à peine mettre le nez aux fenêtres, hein, il tirait au travers de leur matelas. Et là, il est grimpé le long du chéneau. Il est grimpé sur la toiture de l'école normale de jeunes filles, et c'est ce qu'on nous a raconté, il a jeté des grenades incendiaires dans toutes les cheminées. Si bien que les grenades incendiaires sont arrivées à tous les niveaux des cheminées, à tous les planchers, et ont foutu le feu à l'intérieur. Les Allemands ont donc été enfumés complètement là-dedans, le feu a pris partout, ils ne pouvaient pas l'éteindre, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Et voilà qu'ils se sont rendus. Donc, quand ils se sont rendus, ils sont sortis torse nu, parce qu'ils avaient une chaleur là-dedans impossible, ben puisqu'ils étaient en train de cramer, hein, et enfumés, ils n'en pouvaient plus. Ils se sont donc rendus avec les bras en l'air, là sur la tête, et leur chemise qu'ils avaient emportée, puisqu'ils étaient torse nu. Mais les derniers Allemands qui sont sortis, ils sont sortis et dans les chemises, ils avaient gardé les mitraillettes. Si bien que quand ils se sont rendus, tous les maquisards qui étaient autour se sont rassemblés. Et à ce moment-là, les maquisards qui étaient là, les derniers Allemands qui sont sortis avec leurs mitraillettes, se sont mis à tirer dans le tas des maquisards qui s'étaient tous démasqués et qui étaient venus pour les faire prisonniers. Alors là, les maquisards n'ont pas fait de quartier, ils les ont tous bousillés. Et à la suite de ça, tous ces Allemands qui étaient morts, qui étaient par terre dans la rue, alors moi je suis allé voir, c'était affreux. Les femmes étaient venues, alors. On leur avait ouvert le ventre, on leur avait coupé les parties, on leur avait mis leurs parties dans les casques, c'était épouvantable. Les femmes venaient en taper dessus sur ces cadavres qui étaient là, quoi. C'était la vengeance, quoi. C'est affreux, quoi. Hein. Je suis rentré à la maison et on n'en tremble pas, mais on en est. De voir des morts comme ça partout, c'est épouvantable. À cause de tous ces événements, nous avions notre propriétaire qui habitait sur le même palier que nous et qui était général. Ce propriétaire, Trollet de Prévost, il s'appelait. Ce général nous avait dit, vous inquiétez pas, s'il y a des événements, il dit, moi je suis là, je sais parler allemand. Donc on avait un petit peu confiance. Voilà que on se couche là encore, et le lendemain matin, on se réveille, on pousse les volets, on regarde. Il y avait une maison qui faisait l'angle de l'autre côté de la rue, qui était une banque. Et là, il y avait un maquisard qui était à plat ventre avec un fusil mitrailleur juste devant et qui prenait la rue en enfilade. Il était le matin très très tôt, et puisque le jour se levait tôt au mois de juin, il y a d'un seul coup un grand silence. Tout le monde attend. Il va se passer quelque chose, c'est certain. D'un seul coup, le type qui était au fusil mitrailleur se met à tirer dans la rue. La rue est légèrement en courbe. Autrement dit, on ne voit pas toute la rue en enfilade. Elle est légèrement en courbe. En fait, c'est la division d'Asreich, qui est, ayant trouvé tous les ponts coupés, a pu traverser à Brive, a remonté la Corrèze, est arrivé à Tulle, et remonte pour aller à la rescousse, pour aller rejeter les Alliés qui venaient de débarquer en Normandie. Il remontait donc dans le nord. Et les ponts avaient été coupés très très fraîche, enfin très Ah récemment, ben à la très suite de récemment, l'annonce du débarquement. voilà. Et pas partout, mais là, à Tulle et à Brive, les ponts n'étaient pas coupés. Donc les chars sont passés par là. Il faut dire aussi que ces ponts servaient beaucoup aussi aux maquis, puisque toute la région était un petit peu aux mains du maquis aussi. Les Allemands étaient en sécurité dans les villes, mais dès qu'on sortait des villes, c'était le maquis. Alors, donc, en fait, c'était cette fameuse division des chars blindés, des chars tigres, de 77 tonnes, qui débarquait, qui arrivait. Le fusil mitrailleur s'est mis en route, et aussitôt, blam! Premier coup de canon de riposte du premier char qui était en tête, d'un seul coup, toutes les vitres sont tombées sous la déflagration. Nous, on s'est demandé ce qui arrivait, on s'est vite précipité au fond de la chambre, on a dressé le sommier, le matelas, on s'est caché entre le mur, le sommier et le matelas qu'on avait dressé, et on était là, on attendait, ça tirait dans tous les coins, les coups de canon. On a eu une trouille énorme, quoi. Et alors, d'un seul coup, on a dit, bon, ben ça y est, il faut fuir, il faut s'en aller, parce que ça tirait. Alors, d'un seul coup, les Allemands sont rentrés dans toutes les maisons, et on s'est dit, mais ça y est, ils tuent tout le monde. Il y avait en face de chez nous une boulangerie. On s'est approché près de la fenêtre où il n'y avait plus de fenêtre, puisque tout avait été cassé par le premier obus. On a regardé, on a vu les boulangers, qu'il y avait une boulangerie en face, ils venaient de faire. Quand même essayer de faire du pain, qui sortaient avec les mains sur la tête, les Allemands torse nu, avec les mains pleines de pâtes encore, qui étaient embarqués, et ça tirait dans tous les coins. Alors moi, je me suis retourné vers mon beau-frère et ma sœur, Aimé et Suzanne, et je leur dis, ils tuent tout le monde. À partir de là, on a eu une trouille terrible, on a attrapé les escaliers, on est monté en vitesse le plus haut possible qu'on pouvait dans l'immeuble. Et on est arrivé là-haut, on ne savait plus où aller. On essayait de retarder le dernier moment le plus possible, et on s'est retrouvé là-haut, on ne savait plus où aller. Alors là, on était piégés comme des rats. Alors on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors par contre, comme on savait que l'immeuble, à cause de cette rue en pente, donnait encore au rez-de-chaussée, même au quatrième étage, on a dit, ben, il y avait un morceau de bois qui traînait par terre, une planche. On a pris là une planche et on a cassé les cloisons de ces greniers qui étaient en torchis, c'est-à-dire une espèce de terre mélangée avec de la paille, de la terre glaise mélangée avec de la paille. On casse, on a fait notre trou et on est passé là-dedans en se disant il faut aller le plus loin possible dans l'immeuble de l'autre côté. Mais quand on est arrivé dans le deuxième grenier, des gens en avaient fait déjà, ils avaient fait comme nous, et les trous étaient déjà faits, on n'avait plus qu'à passer de trou en trou, et on s'est retrouvé complètement à l'autre bout de l'immeuble, on ne pouvait pas aller plus loin. Celui qui se trouvait donc au rez-de-chaussée, près de cette fameuse rue qui montait, qui allait desservir ce Carmel de femmes. Là, les hommes, tout le monde s'était retrouvé, et il y a un... dans l'immeuble, il y avait un homme qui parlait allemand, qui était interprète à la manufacture d'armes, et qui dit, moi je parle allemand, il dit, vous inquiétez pas, il dit, tous les hommes avec moi, et il dit, moi je sais ce que je leur parlerai dès qu'ils arriveront. Mais moi... Vous n'avez pas pu rejoindre le rez-de-chaussée, enfin, ah ben non. Au bout de cette rue, c'était bloqué, c'était vraiment bloqué, on ne pouvait pas accéder à la rue. Ah ben attends, tu vas voir, on pouvait accéder à la rue. Hein? Mais il y avait les Allemands et ça... Attends, tu vas voir, on pouvait effectivement accéder à la rue. Alors, là, moi, 14 ans, qu'est-ce qu'on fait de moi? Je vais avec les hommes ou je reste avec les femmes? Alors, il y a quelqu'un qui dit, avec les femmes. Bon, je reste avec les femmes. Alors, les femmes d'un côté, tous les hommes dans une chambre de l'autre côté, des immeubles, avec ce fameux interprète de la manufacture d'armes qui disait parler allemand et qui allait donc pouvoir, dès que les Allemands allaient arriver, leur parler. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est comme ils avaient... En arrivant la veille au soir, il s'était confronté avec un gars avec un fusil mitrailleur et que tout le monde avait disparu. Ils sont partis du principe que tous les maquisards s'étaient réfugiés dans cet immeuble que nous habitions. Donc, ils avaient cerné l'immeuble depuis la nuit pour que personne n'en sorte. Alors nous nous sommes donc retrouvés là, en bout de cet immeuble où on ne pouvait pas aller plus loin. Et il n'y avait que cette issue pour monter, pour filer du côté de... retrouver la campagne qui était tout de suite derrière, près de ce couvent de femmes où il y avait encore un escalier. Et puis après, c'était la campagne, c'était terminé. Alors là, il y a des hommes qui disent « Non, non, il ne faut pas rester. » Il dit « Moi, je veux partir. » Il y en a un qui dit « On va se faire prendre, etc. » Il veut sortir dans cette petite rue qui grimpait raide comme tout, là. Il sort, il arrive au milieu de la rue, et il s'effondre, tué. Parce qu'en bas de la rue, il y avait un char avec une tourelle, il avait pointé son fusil mitrailleur, il prenait toutes les maisons en enfilade, et dès que quelque chose sortait de la maison, il tirait dessus. Le deuxième sort, il s'écroule devant la porte. Le troisième sort, paf, pareil. Alors là, ma sœur me dit, il était seulement blessé, il était juste sorti, il avait pris une balle derrière la jambe qui lui avait arraché tout le genou. Ma sœur me dit, tire-le, rentre-le à l'intérieur. Alors je le tire, puisque j'étais le seul homme, les autres étaient tous dans le truc, j'étais avec les femmes. Elle le sort, et elle me dit, trouve-moi une serviette de toilette. Alors bon, on n'était pas chez nous, on était chez des gens, on s'était retrouvés là-dedans. Alors je lui trouve une serviette de toilette, elle lui fait tout de suite un pansement, hein, et, parce qu'il saignait. Et puis elle commence à le soigner. Pendant ce temps, les Allemands investissaient l'immeuble, ils rentraient par les portes du bas et ils montaient dans tout l'immeuble. Alors moi j'allais voir il y avait un escalier en colimaçon, je regardais, ils sont au deuxième, ils sont au troisième, ils arrivent, pof, d'un seul coup, il y a un Allemand qui arrive avec son casque, qui me rappelle sa lunette sur le casque, un pistolet à chaque main, et il arrive et il dit « Homme !» Alors on lui montre dans la pièce là-bas, et puis il regarde le gars qui était blessé par terre, et dit lui, Maki. Alors ma soeur dit, non, non, non, tout de suite, elle veut lui défaire, paf, une balle dans la tête. Aïe, tout de suite, ça refroidit. Ben, je ne savais plus quoi faire, hein. On était là, piégés complètement, et puis, alors l'homme, aussitôt, l'autre lui, il lui baratine en allemand, ils ouvrent, ils prennent tous les hommes, et ils les embarquent, ils font descendre tous les hommes dans la rue. Et il les regroupe sur le trottoir d'en face, cette avenue Victor Hugo, il les regroupe tous de l'autre côté. Là, moi, je reste là. Et puis, il y a un Allemand, un autre, qui est là. Il y avait, dans une pièce à côté, la fille d'un coiffeur et un Allemand qui était en train de s'envoyer en l'air avec. Et elle pensait s'en sortir comme ça... Et alors, moi, l'Allemand vient et il me dit « Pas pire, Alors mes papiers, on avait tout préparé. J'avais préparé un blouson, j'avais préparé mes papiers et tout. Mes papiers étaient restés. On était partis en courant. Quand on y enfonçait la porte en bas, on était dit, allez hop, il faut filer. On n'avait pas pensé du tout à prendre des papiers. Alors j'ai fait signe que mes papiers étaient en bas. Il me fait mettre les mains sur la tête, un pistolet dans le dos, et allez, et il me fait descendre. Mais je descends par une cage d'escalier que je ne connaissais pas, puisqu'on était carrément à l'autre bout de l'immeuble. Et là, j'arrive et je me dis, maintenant, ça y est, je suis au premier étage, c'est-à-dire à notre niveau. Je me dis donc, c'est par là. Et effectivement, la fameuse porte qui était contre laquelle était mon lit, vitrée, cachée avec du papier, elle avait été ouverte. Et en bout, effectivement, les Allemands étaient en train de piller l'appartement. Alors, l'Allemand me fait passer devant, et il y en avait d'autres qui étaient en train de piller notre appartement, qui, d'un seul coup, voient quelqu'un arriver dans le couloir. Aussitôt, ils mettent en joue. Hein. Et puis, oh, moi, je me suis reculé aussitôt, j'ai démasqué l'Allemand qui était derrière moi, qui aussitôt leur a crié en allemand. C'était lui, quoi, il leur a parlé en allemand. Faites pas les cons, c'est celui-là. Alors, je suis arrivé, et là, je découvre notre appartement qui avait été. Alors, on avait dans la cuisine, cette fameuse cuisine, on avait une carte d'Italie sur laquelle, avec des épingles et puis un petit bout de fil avec un petit bout de poids au bout, on marquait l'avancement des troupes en Italie. Là, ils avaient déchiré la carte, ils avaient cassé les œufs. On avait quelques œufs, ils avaient cassé les œufs après les murs. Enfin bon. Là, j'arrive à mon blouson qui était toujours posé sur la chaise. Je sors ma carte d'identité et je lui montre ma carte d'identité. Il la prend, il la déchire et il dit pas bon. Et il la jette, il n'y avait plus de fenêtre, il la jette par la fenêtre. Et il me fait descendre et il m'emmène toujours les mains sur la tête pour aller retrouver la rue. Et là, c'est là que j'ai vu que la porte avait été enfoncée. Hein. Et j'arrive et ma carte d'identité était tombée sur la chenille du char 477. Là, je me rappelle, tac. J'avais mes mains sur la tête. Lui, cet Allemand-là, me refile à un autre Allemand pour lui remonter, continuer à faire l'épuration dans l'immeuble. Le temps qu'il me passe à un autre, elle était là à portée de ma main. J'ai repris ma carte et je me suis remis les mains sur la tête. J'avais récupéré ma carte d'identité. Et elle m'a servi après. Et là, on m'amène de l'autre côté de la rue avec tous les hommes qui avaient été ramassés. Et là, j'ai retrouvé mon beau-frère. J'ai retrouvé mon aumônier du lycée, l'abbé Espinasse, qui aussi avait été ramassé et qui après a joué un rôle important dans la suite des événements. Et là, je me suis retrouvé avec tous les hommes. Et puis j'étais là, et voilà qu'arrive le lieutenant Kramer. Alors ce lieutenant, c'était le seul rescapé de l'école normale de jeunes filles où ils s'étaient tous fait bousiller. Alors comment, j'ai jamais su comment il s'en était ressorti, celui-là. Il portait bien son nom, tout le bas de ses bottes était brûlé, tout le bas de sa capote était brûlé, était cramé. Il portait bien son nom. Et là, il est passé devant moi, il m'a trouvé bien jeune, il m'a demandé mes papiers, j'avais ma carte d'identité, je lui montre ma pièce d'identité, et il me dit, allez, il me fait signe que je pouvais partir. Alors j'ai vraiment bien fait et je suis revenu à la maison qui était donc de l'autre côté. Si tu n'avais pas retrouvé ces papiers sur la chenille du char, Eh ben voilà. c'était fini, quoi. Ah ben je partais avec les autres, ça ne veut pas dire que j'aurais été pendu, hein. Mais bon, là je m'en suis sorti comme ça. Parmi les gens qui étaient emmenés, est-ce qu'il y avait des gens que tu connaissais Alors là, il y avait toujours pareil, il y avait des voisins, les voisins qu'on connaissait. Hein. Il y avait mon aumônier de lycée, l'abbé Espinasse, qui avait été pris, lui, dans une autre rafle, dans un autre coin de la ville. Et il y avait un pion du lycée qui s'appelait Bourdel, qui va avoir un rôle très important par la suite. Et ensuite, il est devenu avocat, il faisait ses études d'avocat quand il était pion au lycée. C'était pour financer ses études qu'il était pion. Alors, et il avait été mon chef scout. Donc, il y avait parmi les gens que je connaissais, les gens d'immeuble, on se résume, mon beau-frère, bien sûr, l'abbé Espinasse, qui était mon aumônier de lycée, et ce pion qui s'appelait Bourdel. Moi, je quitte donc ce groupe-là, puisque le lieutenant Kramer m'avait dit de rentrer et que j'avais plus rien à faire là, à cause de mon âge. Et je retourne donc à la maison. Je retrouve donc ma sœur Suzanne, et on remet un petit peu l'appartement en ordre. Ils ont emmené les hommes, ils ont fait la rafle, les choses rentrent. Alors, les chars sont toujours là, la division d'Asreich est toujours là. Hein, et d'un seul coup, on commence à entendre au loin un haut-parleur. Ce sont les pompiers qui passent avec un haut-parleur. Alors, on entend vaguement et on ne sait pas exactement ce qu'ils racontent. Puis plus ça se rapproche, on commence à comprendre. Et ça se terminait toujours par fleuve. Fleuve. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis plus ça est, plus on comprenait. Alors, le message diffusé par les pompiers disait en gros ceci, la population... n'ayant pas participé à la... En gros, hein, le texte, n'ayant pas participé à l'insurrection du maquis, la ville sera épargnée, mais nous avons arrêté des maquisards. En conséquence, 120 maquisards et leurs complices seront pendus haut et court et leurs corps jetés au fleuve. Ça, je me rappelle parfaitement les dernières phrases. 120, tu te souviens du... 120. 120. Maquisard et leurs complices, pendus au cours, leur corps jeté au fleuve. On s'est dit, mais où ont-ils pris des maquisards? On était là, on savait qu'ils avaient tous fui dans cette petite côte en montant et que rien du tout, ils avaient pris rien du tout. Alors, où avaient-ils pris ces maquisards? Il n'y en avait pas. Alors, tout le monde était inquiet, disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de maquisards? Alors, on en reste là. Et on reste là-dessus. Et puis... Donc, nous sommes donc le 9 juin, et le 9 juin, alors là, on n'y est pas, mais on peut dire comment ça s'est passé, parce que le fameux abbé Espinasse, qui était mon aumônier du lycée, et mon beau-frère, qui était dans le tas, qui était toujours resté avec cet abbé Espinasse, et ce Bourdel, cet étudiant avocat, ils sont toujours restés ensemble, puisqu'ils se connaissaient, ils étaient au lycée en même temps. Hein. L'un était pion, mon beau-frère prof, et l'autre au milieu du lycée. Ils se sont toujours restés tous ensemble. Et ils se sont serrés les coudes, là, ils se sont soutenus. Alors là, maintenant, ce que je raconte, je le sais donc par mon beau-frère, par Aimé Rudel, qui donc a vécu toute la suite des événements. Là, à la manufacture d'armes, ils ont fait mettre tous les hommes d'un côté, et les femmes d'un autre, de ce qu'ils avaient ramassé, mais il y avait quelques femmes, mais surtout des hommes, ils ont ramassé tous les hommes. Là, ils les ont fait mettre, il y avait une route qui coupait la place de la manufacture d'armes, ils les ont fait mettre d'un côté, et ils les ont mis là. Là, l'aumônier du lycée et les Allemands les ont gardés là, en otage. Puis, alors là, je le sais donc par mon beau-frère, voilà, qui se sont activés. Il y avait une quincaillerie dans le coin. Ils ont pris toutes les échelles de la quincaillerie. Ils ont commencé à mettre des cordes qu'ils avaient prises dans la quincaillerie, les échelles. Et après tous les lampadaires, ils ont commencé à attacher des cordes avec des nœuds coulants. Alors tout le monde se rassure. Ils disent, ah oui, oh, moi je sais, j'étais dans les transmissions, c'est pour passer des câbles, les communications ont été coupées. Chacun essaye de se trouver des raisons pour justifier les cordes. Hein. En fait, c'était pour les pendre. Et eux, ils n'avaient pas entendu encore le haut-parleur était l'annonce. Alors, lui, quand même, après, ils ont entendu quand c'est venu jusqu'au bout de la ville. Nous, on l'a su avant eux, hein, puisque la ville, tout en longueur, ça se termine près de la manufacture d'armes, ce qui est le dernier truc de la ville. Et là, l'abbé Espinasse, lui, s'est manifesté. Il est sorti du rang, il a appelé un Allemand, il a compris tout de suite qu'il allait y avoir des exécutions, donc, et il leur a dit, si il va y avoir des exécutions, c'est mon rôle de prêtre d'assister les condamnés, et il dit, si vous voulez bien me prévenir. Alors, là, je le sais encore par mon beau-frère, l'Allemand lui a répondu, il parlait bien français, il lui a répondu, monsieur l'abbé, il dit, nous sommes humains, s'il va y avoir des exécutions, nous vous préviendrons en temps et en heure, s'il doit y en avoir. Bon, puis en fait, au bout d'un moment, il est venu le chercher, et puis il lui a dit, voilà. Alors, en fait, il prenait les hommes par paquet de 8. Il les mettait par paquet, je ne sais plus si c'est 8 ou 9. Il les mettait par paquet de 8 ou 9, je dis 8 ou 9, je ne sais plus très bien. Et là, il disait, monsieur l'abbé, il dit, voilà, vous pouvez leur donner une dernière bénédiction. Alors là, tous les hommes, attends, il veut dire quelque chose. Avant, tu m'avais dit qu'avant, ils avaient trié les hommes en fonction de leur De l'allure, allure ah oui, de et leur allure. que ceux qui n'étaient pas bien rasés, Ah ceux qui oui. Tous avaient ceux un qui pouvaient blouson avoir une allure un petit peu de de maquisard. maquisard, disons, hein, mais ils n'en avaient pas pris de maquisard. Alors, en fonction de quoi Sur la mine. Sur la mine. Sur la mine. Un type qui avait, par exemple, je sais pas, un gros ceinturon, qui était mal rasé, c'était un Donc ces maquisard. groupes de 8 ou 9. Ouais, C'est après que non, ils ont trié dans les gens qui étaient là, Voilà, tous c'est ceux qui avaient une allure un petit peu de quelque chose qui pouvait faire penser militaire, ils l'enlevaient. Et là, ils ont tous eu le temps de griffonner un petit papier, quelque chose. L'abbé Espinasse a tendu sa soutane, il était en soutane, il tendait sa soutane, et puis chacun griffonnait un petit bout de papier pour pour sa femme. un dernier mot. Pour leur conjoint, pour leur femme. Et lui, il mettait ça dans sa soutane, ils jetaient tous leurs petits bouts de papier dans sa soutane. Et puis, il allait sur un. Il y avait un bistrot qui était à côté, il les posait sur une table, il disait première fournée, premier paquet, première fournée. Il déposait ça et il retournait vite pour le groupe suivant, et puis là, aussitôt, il les emmenait, il les pendait. Alors, il y en a pratiquement pas qui ont résisté, quoi. Il n'y avait pas de possibilité, puis ils bougeaient pratiquement pas parce qu'on les faisait monter sur un escabeau, on leur passait la corde autour du cou, et hop, on retirait brusquement l'escabeau, ils tombaient, ça leur sectionnait la colonne vertébrale, ils bougeaient plus, quoi. Pourquoi ils en ont pendu 99? Alors que le chiffre, c'était 120, le chiffre annoncé. Mais tu m'avais même annoncé un chiffre encore plus haut la dernière fois qu'on avait Ah non, pas non, non, parlé non. de 1000. Non, non, non, non, non, non. Il devait fusiller 2000 hommes et brûler la ville. Il devait fusiller 2000 Il hommes. devait fusiller 2000 hommes Et ça, ce chiffre, et tu l'avais brûler la ville. entendu? Et ils avaient mis, devant chez nous, on avait des bidons d'essence. Ils avaient mis des bidons d'essence pour les crever et foutre le feu à la ville, comme ils ont fait à Oradour. Mais ça, tu l'as su comment, le chiffre 2000? Alors, parce Qui est-ce qu'on qui l'a t'a dit? su, on l'a su par le préfet. Le préfet de Tulle a réussi à négocier. C'est-à-dire qu'il avait été arrêté lui aussi. Tu l'as appris qu'après, On alors, l'a cette appris histoire de après, mille. tout ça. Hein. On l'a Et les appris. bidons, tu les as? C'est le préfet qui, si tu veux. Ah non, les bidons, on les avait vus, ils étaient là. Hein. Mais après, on a su que le préfet avait négocié, a bien montré que les gens de la ville n'avaient pas participé au soulèvement, que c'était le maquis. Et il a réussi à ramener donc la sentence à 120 pendus, haut et court, et leur corps jeté au fleuve. Revenons aux pendus. Alors là, c'est mon beau-frère qui me l'a raconté. Il y en a un qui était sur un pont, je ne me rappelle plus comment il s'appelait ce pont, un pont encore sur la Corrèze, là, et il était pendu à un lampadaire. Lui, il est monté sur l'escabeau, et plutôt que de se laisser pendre, il avait les mains attachées dans le dos. Hop! Il s'est jeté dans l'Allemand qui montait derrière pour lui passer la corde autour du cou. Hein. Il lui a filé un coup de talon dans la figure et Il s'est jeté dans la Corrèze. Il est tombé en bas, bien sûr, il était mort. Hein. Les autres sont venus, ils l'ont tout de suite tiré dessus, ils l'ont achevé, il était dans la flotte. Hein. Ce préfet est arrivé à faire baisser le chiffre, disons, de 2000 de à 2000, 120. De 2000, et la ville brûlée. Oui, à 120. Et, à 120 maquisards. Et en fait, effectivement, combien de personnes 99. Alors pourquoi? Parce que c'est ça. Parce qu'alors, à cette époque-là, il y a ce que l'on appelait les garde-voies. Alors, mon beau-frère Aimé était garde-voie. C'est-à-dire que tous les hommes, comme les Allemands voulaient entretenir quand même, pas être complètement isolés par le chemin de fer, ont gardé les voies. C'est-à-dire qu'il y avait un homme tous les 100 mètres, pendant toute la nuit, qui allait garder les voies. Alors, il y avait, avec un fusil de chasse, pour pouvoir tirer en l'air, pour prévenir s'il y avait un sabotage des voies ferrées, tous les 100 mètres, il y avait un homme, et qui passait la nuit. Enfin, une partie de la nuit, ils étaient relevés, etc. Et voilà que les garde-voies, ceux qui sont rentrés le fameux matin, où il y a eu cette attaque du maquis, ces hommes-là qui sont arrivés avec leur fusil à la gare de Tulle, où il y avait donc les Allemands, quand ils ont vu tous ces gens-là avec les fusils, ils ont eu peur. Comme ça pétait dans tous les coins et que le maquis attaquait dans tous les coins, ils ont eu peur qu'ils se retournent contre le maquis, qu'ils se retournent avec les gens du maquis, avec leurs fusils de chasse. Ils les ont laissés partir sur la voie, comme ça, près de, il y avait une barrière de chemin de fer, là. Et de par derrière, ils les ont tous mitraillés, ils les ont tous esquintés. Ils sont tous tombés en tas. Hein. Il n'y en a qu'un qui s'en est remis, mais parce qu'il est tombé dans le tas avec les autres, et il est bousculé, il a compris qu'il ne fallait plus bouger, les autres sont tombés, il y en a un qui est mort, qui était tombé sur lui, il y en a quelques-uns qui ont râlé encore un petit peu avant de finir de mourir, hein. Et lui, il n'a pas bougé, là, il est resté là, toute la journée au soleil, hein, parce que c'était donc le matin, au petit matin, et il a passé là toute la journée. Et le soir, les pompiers sont venus les relever, et les pompiers sont venus les ramasser pour les mettre dans une fosse, hein. Et là, le gars, il a ouvert l'œil, il a dit, hop, ils l'ont chargé avec les cadavres dans le truc, et puis celui-là, il s'en est tiré. Il revient de loin, celui-là. Bon, et celui-là, il s'en est tiré. Alors, pourquoi 99? C'est l'explication. C'est que là, il y avait eu 20 garde-voies qui avaient été tués, qui avaient été bousillés, si bien que dans la négociation du préfet, il a dit, oui, mais vous avez tué des gens qui, en fait, travaillaient pour vous, puisqu'ils gardaient les voies. Vous en avez tué 20. Hein. Et puis, en fait, pourquoi 99? Parce que le préfet, quand il est passé donc avec les Allemands, il avait son chef de cabinet qui était dans les gens, qui était. Et il a fait sortir. Il a dit, mais ça, c'est mon chef de cabinet. Et il dit, je peux attester qu'il était. Parce qu'il était préfet, donc côté Pétain, etc. Hein. Donc il l'a fait sortir son chef de cabinet. Et voilà pourquoi ça s'est retrouvé à 99. Il y a eu les 20, théoriquement, garde-voies. Hein. Et puis, hein, le chef de cabinet du préfet qui l'a fait sortir. Ils se sont donc retrouvés à 99. Mais alors les personnes qui ont été pendues, c'est totalement arbitraire. Ah ben complètement arbitraire. Il n'y avait pas un maquisard là-dedans. Et ils les ont... Sur les apparences, le gars mal rasé, comme toi aujourd'hui, qui avait un ceinture en cuir, qui avait un blouson, qui avait des grosses chaussures un peu, tu vois, qui pouvait présenter une allure un peu de maquisard, quoi. Uniquement sur la mine, hein, uniquement sur la mine. Alors ensuite, il fallait les dépendre. Alors pour les dépendre, ils ont fait venir le camion des ordures ménagères de la ville, qui ne ressemblait pas du tout à ceux d'aujourd'hui. C'était des camions bennes qui étaient recouverts par des parties métalliques coulissantes. Ils ont amené les camions bennes, une roue sur le trottoir, une roue sur la rue. Ils passaient dessous, un Allemand montait, coupait la corde, pom, les gars tombaient directement dans la benne. Et ils sont allés sur la route de Brive pour les jeter. Alors là, la Corrèze est sinueuse, et il y a un endroit où la Corrèze creuse, et il n'y avait pas de station d'ordures ménagères comme aujourd'hui, les ordures ménagères, on allait d'abord, elles n'avaient pas la même teneur qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tous les plastiques, il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'était surtout des fruits, des légumes, les choses, les produits vraiment ménagers qu'on jetait, il n'y avait pas toutes les boîtes de conserve comme maintenant. Hein. C'était davantage des produits fermentescibles ou qui s'abîmaient. Alors, les camions se mettaient à cul et jetaient carrément, dans un tournant de la Corrèze, on jetait les ordures à cet endroit-là. Et comme la Corrèze creusait, ça remblayait petit à petit. Et là, les Allemands ont fait creuser deux trous, deux fosses, au milieu des ordures, et ils ont amené les camions ben là, ils les mettaient à cul, et ils les jetaient dedans. Alors, dans 66, dans une fosse, et 33 dans l'autre. Voilà, ils ont creusé deux trous, et ils ont mis les directement dedans, ils ont jeté de la chaux dessus, et c'est resté comme ça. On les a jetés dans les ordures ménagères. Voilà. Ça, c'était la civilisation. Et pendant ces événements, tu te trouvais où ? Alors, j'étais à la maison, et tout ce que je viens de raconter, on le sait par mon beau-frère qui me l'a raconté après coup, puisque moi je n'ai pas assisté à cela. Maintenant, voilà que brusquement, de nouveau, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Puget, qui était un docteur qu'on connaissait bien aussi, qui passe en ville et qui criait dans la rue, etc., que les gens qui avaient été arrêtés allaient être emmenés en déportation et qu'on pouvait leur porter des colis. Ils étaient à la manufacture d'armes et qu'on ne savait pas encore qu'il y avait eu des pendus. Mais qu'on pouvait leur porter des colis. Aussitôt, Suzanne fait vite, puisqu'Aimé était parvenu, c'est qu'il était donc parmi les gens qu'on allait embarquer. Aussitôt, elle rassemble vite, elle m'en prend quelques photos, on prend deux ou trois provisions qu'on met dans un petit sac, un sac à dos, et nous voilà partis à la manufacture d'armes pour porter les colis. On arrive trop tard. Tous ceux qui avaient été rescapés et qui étaient partis, on les emmenait en déportation. Ils étaient déjà dans les camions bâchés, des camions allemands, un convoi, pour les emmener. Et tu savais où Aimé allait être emmené? On ne savait pas du tout. On savait qu'ils allaient être emmenés en déportation, mais personne ne te disait où. Le bruit avait couru. Alors, on était arrivé en vitesse, mais on arrive trop tard. Ils étaient déjà tous dans les camions. Et il y avait un Allemand qui tournait autour des camions et qui criait « 30 par camion !» 30 par camion, s'il en manque un seul à l'arrivée, tous fusillés. Alors, tout le monde appelait, essayait d'appeler dans les camions, mais ils étaient bâchés, ils étaient fermés complètement. Etc. On tournait autour des camions, mais tout le monde gueulait, criait. Les femmes se couchaient par terre devant les camions pour pas qu'ils partent. Les Allemands les dégageaient à coups de crosse, à coups de botte. Et puis, la colonne s'est mise en route. On n'a jamais su où était Aimé, dans quel camion il était. Il y avait toute une bardée de camions, ils étaient nombreux. Combien ? Ah, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais il y avait toute une file de camions. Hein. Si on passe pas de temps en temps les compter, là. Hein. Ils étaient nombreux. Hein. Alors, on est parti, on est rentré. Alors, de là, on va dans un café qui était à côté. Et c'est là qu'on apprend qu'il y avait eu des pendus. Et que l'abbé Espinas était toujours là, dans ce café, où il avait déposé sur les tables, par paquet, en disant premier groupe, deuxième groupe, etc., tout ça. Et alors là, c'était des scènes épouvantables. Parce que tout le monde venait voir, et c'est là qu'on découvrait qu'il y en avait qui avaient écrit des petits mots, et qu'il y avait eu des pendus. C'est là qu'on le découvre. Alors moi, je suis avec ma sœur, hein, et on regarde dans les petits mots s'il n'y a pas un mot d'Aimé, on ne peut rien savoir. Tout le monde était là. Ah non, attends, j'ai oublié un petit détail. Avant qu'ils ne partent, ils étaient enfermés donc dans la manufacture d'armes et on pouvait leur porter des colis. Et les colis, on mettait le nom dessus et quelqu'un prenait des gens de la Croix-Rouge, des femmes de la Croix-Rouge, portait le colis, allait le porter et annonçait le nom. Puis, si le gars ne répondait pas, et si le colis revenait, c'est qu'il n'était pas là. S'il n'était pas là, c'est qu'il était pendu. Tu vois un peu ? Ouais. Alors, il y avait les femmes, j'y étais là, hein, les femmes qui disaient, mais il est toujours distrait, il ne fait pas attention, retournez. On retournait une fois, deux fois, trois fois, puis le colis revenait, non, personne n'a répondu. C'est qu'il était pendu. Alors à ce moment-là, on allait au fameux café où il y avait l'abbé Espinasse qui était là. Oui, il y avait tous les papiers de tous ceux qui avaient griffonné un petit mot. Et c'est là que ces femmes s'en rendent compte. Et c'est là qu'on disait, ben, il est pendu. Alors moi, Suzanne m'a dit, j'ai raccompagné une femme qui était là avec son papier à la main. Avant d'arriver à Limoges, en pleine campagne, ils ont arrêté le convoi et ils leur ont dit, ceux qui veulent peuvent aller faire leurs besoins. Alors, ils sont dans les camions, ils sont 30 par camion, et ils sortent pour aller faire leurs besoins. Il y en a qui auraient pu en profiter pour filer, parce qu'ils ont arrêté près d'un bois. Ouais. Ils reviennent dans le camion, après s'être soulagés, a fait pipi, hop, ils remontent dans les camions. Et là, on rebâche les camions, et puis 30 par camion, s'il en manque un seul, tous fusillés, il fallait être 30 dans le camion. Hein. Alors, Léola qui commence à se compter. Alors, ils essayent, par lettre alphabétique, ils étaient dans le noir, hein, complètement. Alors, ils essayent de se compter par lettre alphabétique, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivaient pas à 30, ils arrivaient 28, 29. Ils n'arrivaient pas. À la fin, ils sont tombés sur 30. Ils ont dit, c'est fini, on ne compte plus. Le compte est bon. Et après avoir essayé toutes sortes de trucs, bon. Et les voilà qui arrivent donc à Limoges, banderoles, terroristes, etc., un char devant, un char derrière. Et on les a pour montrer à la population de Limoges qu'ils avaient pris des terroristes, qui en fait étaient mon beau-frère, tu vois le terroriste. Alors, et il y avait toujours ce fameux, comment ? Il était toujours avec ce fameux copain, le Bourdel, ce jeune pion qui se préparait pour être avocat. Et il y avait aussi notre voisin chez qui on allait écouter la radio anglaise. Comme on n'est pas de TSF, on allait écouter. C'était un ouvrier de la manufacture d'armes qui avait été ramassé lui aussi. Ouais. Alors, il se retrouve donc à Limoges. À Limoges, on les met tous dans un manège de cavalerie. Mm-hmm. Dans le manège de cavalerie, on met tout le monde le long des murs, des batteries d'Allemands avec des mitrailleuses en face, hein, et puis on les garde là. Il faisait chaud, on est au mois de juin, hein. Tout le monde est là, attendre, pour être exécuté. Alors, il y en a qui commencent à se trouver mal, il y en a qui s'écroulent, il y en a qui, bon. Et puis, de temps en temps, il y a un Allemand qui rentre, qui gueule un ordre, clac, clac, clac, on referme toutes les vasistas, hein. Clac, clac, on remet la même mitrailleuse en batterie, ça y est, c'est le dernier mot. Eh ben non, c'était pas encore ça. Et puis, alors, d'un seul coup, voilà qu'arrivent les gens de la milice. Alors, la milice, c'est les miliciens, c'était des gens qui avaient un béret avec le signe du bélier dessus, hein, et qui étaient donc des gens côté Pétain, et qui viennent pour voir s'ils reconnaissaient des gens là-dedans. Et parmi les gens qui rentrent, les miliciens qui rentrent, pour venir voir un petit peu, c'était des amis des Allemands. Voilà qu'il y a un milicien qui passe là, qui s'arrête et puis qui... Il dit, mais toi, je te connais. Et il dit, on a fait un camp ensemble en telle année. Un camp scout. C'était le fameux Bourdel, le pion, hein, qui était là. Alors, ce Bourdel, il dit, ben oui. Il dit, comment ça se fait que tu sois là? T'étais dans le maquis? Ah, il dit, non, pas du tout. Comment ça se fait ? Il dit, voilà ce qui s'est passé à Tulle. Et il lui raconte, aux miliciens, ce qui s'est passé à Tulle. Il dit, c'est pas ce qu'on nous a dit. Il dit, attends, moi je te fais sortir. Et il fait sortir Bourdelle. Mais Bourdelle dit, mais il dit à côté, c'est Rudel, c'est un prof, je peux te le rendre, parole de scout, etc. Mon beau-frère. Mon beau-frère, il dit, mais c'est mon voisin, il était pas dans le maquis. Parce que dès l'instant que tu étais dédouané par lui, tu étais un bon. Le milicien, il était là pour faire un tri, en fait. Hein. Et puis, lui, le de la manufacture, il fait sortir un copain, et puis hop, d'un seul coup, ils ont dit arrêtez. Il n'y allait plus leur rester personne, parce que tout le monde connaissait le, et pouvait attester, parce que ceux qui étaient dédouanés, ça y était, c'était des bons. Mais Amy est parvenue à sortir grâce à... Elle est sortie comme ça. Et c'est les Allemands qui, arbitrairement, à un moment, ont dit c'est fini. Voilà, et ils ont vu qu'il n'allait plus leur rester personne, parce que tout le monde connaissait tout le monde. Hein. Alors, tout le monde avait un copain, vous connaissez. Alors, stop ! Ça y était, ils étaient sortis. Ils étaient dans la ville. Et voilà, partis à pied, pour vite retrouver la gare. Alors là, pour rentrer. Alors, ils ont dit stop. Et voilà comment aimer avec Bourdelle. Et puis ce milicien qui avait fait un camp scout avec Bourdelle. Tu vois les circonstances, hein. Ils s'en sont sortis comme ça. Sinon, ils ne sont jamais revenus. Parce qu'après, il n'y en a plus un qui est revenu. Ils sont allés où ? Alors, après un temps, alors, Aimé, maintenant. Aimé revient. Arrivé. Alors, il y a, en Corrèze, et dans le Limousin, il y a ce qu'on appelle des petits trains à voie étroite. Des petits trains d'économie pour l'économie locale. Alors, ce sont des petits trains qui n'ont pas les mêmes écartements des voies que sont des cieux. Oui, pas le même écartement des cieux, c'est les petits trains. Alors là, le chef de gare de Limoges met aussitôt un de ces petits trains en route pour les rapatrier, surtout ceux qui venaient de sortir. Et puis, et il passait, il n'y a qu'une voie. Et à Uzerche, un endroit, ils se croisent dans la gare, puisqu'il n'y a qu'une voie. Ils peuvent se croiser que dans une gare. Là, Suzanne, qui apprend qu'ils sont à Limoges, le chef de gare de Tulle met tout de suite un petit train en chauffe, pour ça, une petite locomotive, et il dit, allez hop, ceux qui veulent aller, on sait qu'ils sont à Limoges, ceux qui veulent porter des colis, alors le bruit avait couru comme ça en ville, en vitesse, et Suzanne avait vite fait un petit truc, puisqu'elle met partie en déportation, avait vite fait les photos et puis tout pour lui porter, le fameux ce qu'elle avait préparé, et qu'on n'avait pas pu porter dans le... qu'on n'avait pas pu porter dans les camions, puisqu'ils étaient déjà partis, va pour le... Voilà. Et à Tulle, le chef de gare met un petit train en chauffe pour aller à Limoges pour toutes ses familles. Tu vois, c'était vraiment en famille, ça se passait tout ça. Hein. Et voilà que, arrive à Uzerche, les trains se croisent. Sur le quai de la gare, où ce train se croise, Suzanne retrouve Aimé, qui revenait dans l'autre sens. Alors maintenant, on revient à ceux qui sont restés dans le manège. Ceux qui sont restés dans le manège, partis en déportation. Partis en déportation, on les embarque. Alors là-dedans, moi, j'avais un chef scout qui s'appelait Pierre Moinet, hein, qui était là-dedans. Lui, j'avais un chef de patrouille. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Enfin, eux, les Allemands, les ont embarqués. Et à Poitiers... Voilà qu'on les met dans une cave, parce que brusquement, il y a un bombardement à Poitiers, un bombardement allié. Ils ont eu peur qu'ils s'enfuient. Ils les ont tous bousillés pour pas qu'ils s'échappent. Et ils ont tous fusillés. Ils ont tous tiré comme des lapins dans la cave, comme ça. Ils ont bousillé tout le monde. Aucun ne sont revenus. Nous sommes donc de retour en famille à Tulle. La vie reprend donc tout doucement. La fameuse division allemande, les trois divisions de blindés qui remontaient, Dassrech, Führer et Blücher, remontent et n'arrivera jamais en Normandie. Ils seront bombardés tout le long du chemin par les Alliés et ils seront tous anéantis, ils n'arriveront jamais en Normandie. C'est cette même division qui, en remontant, a fait Oradour-sur-Glane. Où là, ils ont bousillé tout le monde. Ils ont bousillé tout le monde, la ville. Ils ont mis tous les hommes et les femmes dans les églises. Ils ont brûlé. complètement. C'est cette même division, voilà, qui ont mis en application le plan qui était prévu pour Tulle. Nous voilà donc à Tulle de nouveau. Débarrassés, ces chars étaient partis. Mais de nouveau, les Allemands étaient là. Mais des troupes moins jeunes, moins fraîches, c'était un petit peu, il y avait des Géorgiens, il y avait un petit peu de tout, des Géorgiens, c'était donc les Russes, qui avaient été faits prisonniers et qui avaient trahi. C'est-à-dire que on leur faisait des telles conditions de prisonniers qui étaient tellement dures qu'ils avaient préféré après, c'était des mercenaires, ils s'étaient réembauchés dans l'armée allemande. Alors, ils se retrouvaient donc dans l'armée allemande. Alors là, des Géorgiens, on va en reparler un petit peu après, parce qu'ils ont un rôle aussi là dans mon histoire. De nouveau, voilà des divisions de nouveau qui passent, qui remontaient du sud toujours, pour aller en Normandie, etc. Alors, on commençait à en avoir un petit peu assez de tous ces trucs-là. On a dit maintenant, c'est fini. De nouveau, le haut-parleur a passé en disant que de nouveau, tous les hommes devaient se rendre à la manufacture d'armes avec une couverture, des provisions pour la nuit, de nouveau. Alors là, tout le monde avait été échaudé, on savait comment ça s'était terminé et tout. Tout le monde hésitait. Et puis alors là, on est resté à la fenêtre, on a attendu pour voir, comme il n'y a que cette artère principale pour regagner tout le long de la Corrèze, pour regagner la manufacture d'armes. Alors là, on a attendu. Alors on a vu passer le préfet avec sa casquette, hein, qui y allait. On a vu passer l'évêque, on a vu passer les curés, on a vu passer le séminaire, on a vu passer tous les hommes y aller. Hein. Puis tous les gens qu'on connaissait, on a dit, bon, ben, faut y aller. Alors là, aimer, c'est pareil. Tout le monde, il fallait y aller. Parce qu'ils avaient, bien dit, ils avaient bien précisé, quand ils avaient passé le haut-parleur, la fuite est impossible, toutes les hauteurs sont gardées, la fuite est impossible, donc tout le monde devait s'y rendre. Et on savait qu'ils n'avaient pas de... Hein, qui n'est pas, s'ils disaient que la fuite était impossible, c'est qu'on ne pouvait pas se dire on va se carapater, on va filer par la nature. Hein. Alors en définitive, Aimé y était retourné aussi, là. Et puis là, ça n'avait pas duré, ils avaient relâché après de nouveau tout le monde. C'est ce qu'ils nous avaient décidé après, à dire oh là là, ce coup-ci la coupe est pleine, on s'en va, on quitte Tulle en vitesse. Hein. Voilà. C'est ce qui avait fait déborder l'Oise et qui nous avait fait qu'on partait. On a dit, on n'en peut plus, l'année scolaire était terminée, on a dit, allez, c'est fini, on rentre à Moselle, on va rentrer maintenant en Auvergne, chez nous, l'année scolaire est mais on n'avait plus de raison d'y être, et nous voilà, on va se mettre en route pour repartir. Alors, une épopée, parce que, toujours pareil, pas de train entre Tulle et Clermont-Ferrand, les voies sautaient toujours, il n'y avait plus de train. Donc, on n'avait que la ressource des petits trains économiques, ces fameux petits trains de voies étroites qui sillonnaient la Corrèze. Alors, en particulier, on se décide donc pour repartir, on fait tous nos bagages, et nous voilà partis. Alors, on partait Aimé, Suzanne, moi, ma bicyclette, un sac à dos, et une panière en osier qu'on posait sur la bicyclette, tu vois, et que moi je poussais la bicyclette à côté. Tu vois, l'épopée pour partir. Alors déjà, on part de Tulle par le train. Parce qu'il y avait ce petit train économique qui pouvait nous écourter du chemin. Mais c'était le chemin des écoliers. Parce qu'il fallait descendre sur Bord-les-Orgues. Autrement dit, on faisait un sacré crochet, on descendait au sud pour nous rapprocher, parce que ça nous faisait quand même moins loin après de Bord-les-Orgues à Clermont-Ferrand. Ça nous faisait moins loin à pied que de Tulle à... Hein. Alors, nous voilà partis. On monte dans le train. On sort de la gare de Tulle. Les Allemands, à la gare de Tulle, bien sûr. Qu'on rencontre sur le quai de la gare. On sort de la gare. Le train, il avance un petit peu. Le petit tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Le petit train, donc, à voie étroite. On fait aller combien? 4-5 kilomètres. On arrive près de la Guerle. Un petit patin juste à côté. Le train s'arrête. Ici, la France libre, c'est le maquis. Les maquisards qui rentrent dans le train partout, parce que c'était les petits trains avec des petits escaliers en bout de wagon. On montait une petite plateforme. Et vérification d'identité, ici la France libre, alors toc, on monte les papiers et tout ce qui s'ensuit. Ils font descendre 3-4 personnes, on ne sait pas su ce que c'était. Le train repart. Et puis alors, ces trains avaient une particularité, c'est qu'ils suivaient les routes. Ils jouxaient la route, ils étaient toujours le long des routes. Si bien qu'un peu partout, il y avait des voitures de maquis qui arrêtaient, qui hop, on descendait, on montait, on vérifiait les identités, etc. Et là, je me rappelle, on va coucher à un hôtel qui s'appelait l'Escargot d'Or. Je me rappelle l'Escargot d'Or. C'est un hôtel qui était cher pour nous, mais il n'y avait que celui-là. On va coucher là, et puis là, on apprend que le maire du pays venait de perdre son fils parce que ça se battait à Égletons. À Égletons, il y avait une école d'apprentissage, hein, une école professionnelle d'Égletons, et il y avait les Allemands là-dedans, et ils étaient cernés par le maquis, et le fils du maire du pays, à Neuvic-du-Sel, ça s'appelait, à Neuvic. Et là, le fils du maire venait d'être tué par des Allemands, quoi, lors de cette attaque de l'école normale, de l'école professionnelle d'Égletons. On couche là, et le lendemain, nous voilà repartis, le vélo à pied. Et puis d'un seul coup, on voit arriver un camion, c'était des maquisards. Alors, aussitôt le camion arrive, aussitôt tous les gars, tu sais, sur le dessus du camion, camion découvert. Alors, il dit, vous allez où? Ben, j'ai dit, on va, enfin, je dis, mais je leur explique, on va à Clermont-Ferrand, mais là, pour l'instant, on descend sur Bort-les-Orgues parce qu'on ne peut pas passer ailleurs. Alors, il dit, bon, ben, allez, vous montez, on vous embarque. Alors, hop, on monte dans le camion, je trouve moyen. Déchirer mon pantalon. Je monte dans le camion et là, on s'installe là. Tu es tranquille, les maquisards ils sont là avec leurs mitraillettes, t'es embarqué avec eux là, hein, t'es dans le coup là. Alors on arrive près de Bort-les-Orgues, arrivé près de Bort-les-Orgues, on arrive à un carrefour, il y a un gars qui est en train de bêcher là. En fait, alors le camion ralentit. Alors, il dit non, non, il n'y a pas de frisé. En fait, c'était un gars qui est là, il fait semblant de bêcher, mais il est là uniquement pour dire s'il se passe quelque chose, s'il y a un convoi qui est passé ou pas. Non, non, il n'y a rien, vous pouvez y aller. Le frisé, c'est quoi? Ah Les bah c'était Allemands. les Allemands, on les appelait. On les appelait les frisés, quoi. Pourquoi? Les frisous, les frisés. Alors, non, non, pas de frisé. Bon, alors. Puis, à tous les coups, tu vois le camion ralenti, tu te dis, attends. Alors, on arrive près de Bort-les-Orgues, une casemate, tu sais, blindée, le truc en béton, là. Un carrefour de route, bon, le gars il saute du camion, ils font le tour de la casemate, personne dedans, bon, ça va. Et puis bon, personne, allez hop, on arrive à Bort-les-Orgues, ici la France libre, partout les bagnoles, tu sais, les vieilles Citroën avec FFI dessus, tu vois, tous les gars avec les mitraillettes qui dépassent des trucs, et alors là-dedans, ici c'est la France libre. Alors tu arrives, on a cassé la croûte. Et on a acheté un fromage. Parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur fromage. Ils étaient isolés complètement. Ils produisaient le fromage Mais une meule. une meule, la grosse meule. Alors on a acheté une meule. On a percé un trou. On a passé un bâton dedans et on portait la meule. Tout content d'avoir notre meule. C'était de la nourriture à tout Alors, hasard, s'ils n'avaient ouais. pas pu manger. Et puis en cours de route, on ramassait quelques champignons, quelques trucs, quoi. Et puis nous voilà repartis avec la panière et puis tout le machin. Hein, et alors après, là, on a donc à Neuvic, là c'était Bort-les-Orgues. Autrement dit, on était dans le Cantal, on était descendu par le Cantal, puisqu'on ne pouvait pas prendre la ligne droite. Hein. Et puis nous voilà repartis. J'avais mal aux jambes, à poser ma bicyclette, j'avais les genoux qui étaient devenus énormes. Et puis on arrive en haut du Puy-de-Dôme. On redescend après, on est passé le col de Cessat, on redescend et on a retrouvé les premiers Allemands dans Roya. Autrement dit, on a quitté sur le quai de la gare de Tulle et on les a retrouvés à Roya seulement. Et en arrivant à Tulle, à Clermont, là, après avoir fait tout ça à pied, on a pris le car, hein, de Giron. Et on s'est retrouvé à Moselle quand même. C'est pas rien. Hein. Ça a pris combien de jours Trois jours, on a pris. Trois jours. Ah oui, c'était une drôle d'épopée, hein. Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin. Sein kleiner Teller bleibt.